Le savoir est une arme et les gens armés veulent rien savoir. C'est qui? Lazarevitch, Skozo Lazar, YE2, 91230. Je les entends parler de moi en chuchotant. Je me demande pourquoi ces PD en face de moi me sous-sautant. Boum pas sur moi si on se calcule pas. Sosa Lazar, on ne m'encule pas. T'es pas dans les réseaux, t'as Cuba. Donc ne fais pas le 6 gros quand tu me parles. Je fais la diff, me compare pas aux autres. J'suis pas une balance devant les stars, j'pèse pas mes mots. Handek t'allais quelque part où y'a la queue bas. La quelque part, cache ta plaque si t'as des quêtes plats. Ils vont pas que les blagues, tout c'était black. J'mens pas, mais peur j'm'en tape. Pendant que ces PD pas sous le bureau, Sarko. Mes ronds feront des euros tant que les bolos cherchent de l'héros. Ouais, regarde la faire la belle, elle apprend dans le cul donc elle fait l'arlèle. Te parlera du mariage seulement si t'as le bifa di Maria. Le temps c'est de l'argent, automate le prix de la Rolex. Je leur casse les deux jambes, après moi y'aura pas de relais. On va pas se mytho, non, je suis là que pour les euros. Grosso modo, bif, sap et grosse moto. Frappe Carcavani, appelle-moi Lazar Kadhafi. Paris c'est la jungle, y'a qu'à Marseille qu'à des paillettes. De janvier à décembre, je dois faire de l'argent. Y'a que dans les descentes que je cours après les gens. N'appelle pas les keufs si tu vois des bécanes en contresens. T'as deux billets de 20, j'te plante et ça fait des billets de 100. On sent pas les couilles que tu bibis. On s'en tape savoir taper ta qui. Des fois ça rafale comme en Libye. Pour quelques yébis, ça devient busy. Y'a plus de touch, les baisse tous. Y'a plus de touch, les baisse tous. Qui veut dire non devant des diamants? J'te nique ta race, c'est mon côté allemand. Elle connaît pas Lazarevitch, je crois qu'elle ment. L'avenir est dans mes boules, pas celle de la voyante. Les petits veulent faire des thunes, sans faire de longues études. T'as tes bras pour une chaîne, j'espère que ça valait le coup. Le temps que tu capes, appuie sur pause. Futur, j'ta régale ex, bolos, Renoir. Dis-moi, t'es de quel côté? De ceux qui tirent ou de ceux qui se tirent? Dans le quartier, t'es mal à l'aise, j'veux pas le payer et pas que t'es mal alias. J'mets les rappeurs dans le coma, t'es Tom Pat, moins de rap conscient. Ça tire pour de l'oseille, tristement je regarde vers le ciel. On m'a dit que la vie ne coûtait rien, pourtant j'ai perdu des êtres chers. Les choses se passent ailleurs. L-I-N-S-I-R, y'a L-A-Z-A-R. Et le reste est derrière. Je rappe pour la tête, pas pour les mecs en latex. Titre baissé dans la benne, c'est là pour ta paye, mais pas quand l'imam t'appelle. J'écoute la concurrence, sur le Coran rien d'inquiétant. Et pas certain, vous la prouvez que c'est des gangsters. Mais les vrais gangsters n'ont pas le temps. De janvier à décembre, je dois faire de l'argent. Y'a que dans les descentes que je cours après les gens. N'appelle pas les keufs si tu vois des bécanes en contresens. T'as deux billets de 20, je te plante et ça fait des billets de 100. On sent pas les couilles que tu bibis. On s'en tape savoir taper ta qui. Des fois ça rafale comme en Libye. Pour quelques yébis, ça devient busy. Y'a plus de touch, les baisse tous. Y'a plus de touch, les baisse tous.